Chapitre 12. Alice devant le tribunal. Présente ! Cria Alice à l'appel de son nom, et oubliant tout à fait qu'elle avait grandi et grossi considérablement dans les dernières minutes, elle se leva d'un bond si précipitamment qu'elle heurta du bras le banc des jurés. Ces pauvres petits messieurs en furent culbutés sans dessus-dessous, et comme ils se débattaient sur le plancher, ils lui rappelèrent un bocal de poisson rouge qu'elle avait renversé la semaine précédente. « Oh, je vous demande bien pardon !» s'écria Alice d'une voix pleine de regrets. Et l'accident arrivé au poisson rouge lui trottant par la tête, elle ramassa vivement les jurés un à un et les replaça sur leur banc comme les poissons dans le bocal afin qu'ils ne meurent pas. « Les débats ne peuvent continuer !» dit le roi avec gravité. « Avant que tous les jurés aient repris leur place, tous !» Alice regarda le banc du jury avec attention, compta les jurés et s'aperçut que, dans sa hâte, elle avait replacé le pauvre petit Bill à l'envers, la tête en bas et la queue en l'air. Elle s'empressa de réparer cette erreur et de mettre le lézard en position convenable. « Quoique, pensa-t-elle, cela n'ait pas grande importance et ne soit pas de nature à entraver la marche des débats. » Lorsque les jurés se sentirent remis de leur secousse et qu'ils purent reprendre leur ardoise et leur crayon, ils se dépêchèrent d'écrire un compte rendu détaillé de l'aventure. Tous écrivirent, à l'exception du lézard qui paraissait abruti et qui restait là, bouche bée, le nez tourné vers le plafond de la salle. « Que savez-vous de l'affaire ? » demanda le roi à Alice. « Rien, » répondit Alice. « Absolument rien ? » insista le roi. « Absolument rien, » précisa Alice. « Ah ! Voilà qui est de la plus grande importance !» déclara le roi en se tournant vers le jury. Et les jurés étaient en train de noter sur leur ardoise cette réponse « importance » quand le lapin blanc se permit de demander, d'ailleurs avec respect, « Votre Majesté veut peut-être dire « sans importance »?»« Oui, c'est « sans importance » que je veux dire !» se hâta de rectifier le roi. Et il continua, parlant à lui-même, « Important !» Sans importance, sans importance, important, comme s'il cherchait à bien comprendre la différence. Bref, certains jurés enregistrèrent important, d'autres sans importance. Mais Alice se demanda si, justement, tout cela avait quelque importance. Le roi, qui venait d'écrire hâtivement quelque chose sur son carnet, cria tout à coup « Silence ! Article 42. Toute personne qui a plus d'un kilomètre de hauteur doit quitter le tribunal. » Tous les regards se tournèrent vers Alice. « Mais je n'ai pas un kilomètre !» protesta la petite fille. « Vous en avez un !» répliqua le roi. « Vous en avez près de deux !» appuya la reine. « Eh bien, peu importe !» déclara Alice. « Ce qu'il y a de bien certain, c'est que je ne m'en irai pas. D'ailleurs, cet article n'a aucune valeur. Vous venez de l'inventer à l'instant. »« C'est l'article le plus ancien du règlement !» dit le roi. « Alors, dit Alice, non sans quelque raison, il devrait porter le numéro 1 et non pas le numéro 42. » Le roi rougit et ferma précipitamment son carnet. « Délibérez !» commanda-t-il au jury. « Mais il y a encore des dépositions à recevoir, s'il plaît à votre majesté, » dit le lapin blanc avec toutes les marques de la plus grande émotion. « Voici notamment un papier qu'on vient de me remettre et qui... »« Qu'est-ce que c'est ?» interrompit la reine. « Je ne l'ai pas encore ouvert, » répondit le lapin, « mais on dirait que c'est une lettre, sans doute une lettre écrite par le prisonnier à quelqu'un. « En effet, » dit le roi, « à moins qu'elle n'ait été écrite à personne, ce qui ne serait pas banal. » « Mais à qui est-elle adressée ?» demanda un juré. « Elle ne porte aucune adresse, » dit le lapin. « Il n'y a rien d'écrit à l'extérieur. » Il déplia le papier, y jeta un coup d'œil et dit « C'est une pièce de verre. »« Ces verres sont-ils de l'écriture du prisonnier ?» demanda un juré. « Non, » répondit le lapin. « Et voilà justement qui me paraît étrange. » Les jurés se regardèrent d'un air embarrassé. « Le prisonnier a imité l'écriture d'une autre personne, » déclara le roi. Cette possibilité calma les inquiétudes du jury. « Plaise à votre majesté, » dit l'accusé, « ce n'est pas moi qui ai écrit cela, et l'on ne saurait prouver que c'est moi qui l'ai écrit. Il n'y a pas de signature. »« Que vous n'ayez pas signé, » dit le roi, « aggrave votre cas. » Il y a encore là quelques vilaines actions. Un honnête homme n'a jamais peur de signer ce qu'a écrit sa main. » Il y eut des applaudissements sur tous les bancs à ces mots. C'était là, à vrai dire, la première parole sensée que le roi eut prononcée de la journée. « Oui, cela prouve sa culpabilité, c'est évident, » dit la reine. « Donc, qu'on lui coupe ?»« Cela ne prouve rien du tout, » interrompit Alice. « Vous n'avez même pas lu les vers. » « Lisez-les !» ordonna le roi en s'adressant au lapin blanc. Celui-ci mit ses lunettes. « Que votre majesté me pardonne, mais où dois-je commencer ? » demanda-t-il. « Commencez au commencement et allez jusqu'à la fin. À la fin, vous vous arrêterez, » dit le roi. Un profond silence se fit dans l'assemblée et le lapin blanc lut les vers que voici. Mystère et discrétion, si ta langue veut parler, mord ta langue. La route est large, prends à droite. Tu me trouveras là où tu sais que je serai, à la première heure de lune. Nous partagerons alors et vive la joie. Elle aura sans doute une crise de nerfs, mais tant pis pour ses petits nerfs. C'est la pièce à conviction la plus importante que nous possédions, dit le roi en se frottant les mains, quand le lapin blanc eut achevé sa lecture. « Laissons donc le jury d'Élie. Si un des jurés peut expliquer cette poésie, je lui donne une petite pièce blanche, » dit Alice qui, ayant à présent la taille d'une grande personne, pouvait sans crainte interrompre ce roi de cartes. « Pour moi, je ne vois pas deux sous de sens à tout cela. » Les jurés écrivirent « Elle ne voit pas deux sous de sens à tout cela. » Mais aucun d'eux ne se mêla d'expliquer le fameux papier. « Si cela n'a pas de sens, il est inutile de lui en chercher un, » déclara le roi, « et voilà donc une énorme peine d'éviter. » « Et pourtant, » reprit-il après avoir consulté quelques instants la poésie, « il me semble, réflexion faite, que ces vers signifient tout de même quelque chose. » « Crise de nerfs, petit nerf, n'est-il pas la question de votre royale nervosité, ma chère amie ?» La reine à qui s'adressait cette question répondit en bondissant « Jamais de la vie, je suis la plus calme des reines !» Elle saisit un encrier qu'elle jeta à la tête du petit lézardbile. Celui-ci, qui avait renoncé à écrire sur l'ardoise avec son doigt, parut enchanté de cette aubaine. Il se remit précipitamment à l'œuvre, utilisant l'encre qui coulait sur son visage. « Alors, ces mots ne vous concernent pas, » dit le roi avec un sourire. Et il ajouta, en manière de conclusion, et pour la 20e fois depuis le commencement de l'audience, « Laissons délibérer le jury. »« Non, non !» cria la reine. « La sentence d'abord, la délibération après. » « Mais vous êtes folle !» dit Alice en regardant la reine bien en face. « Est-ce que la délibération doit venir après la sentence ? C'est idiot !»« Taisez-vous, petite impertinente !» rugit la reine en devenant cramoisie de colère. « Je parlerai si je veux !» répondit Alice. « Qu'on lui coupe le cou !» hurla la reine. Personne ne bougea. « Ah ! Ah ! » ricana Alice. « Vous croyez que j'ai peur de vous ? Vous oubliez que vous n'êtes qu'un paquet de cartes ?» À ces mots, tout le paquet de cartes s'éleva dans l'air et retomba sur notre amie Alice. Celle-ci poussa un petit cri de colère et aussi de peur et fit le geste de repousser ses assaillants. Ce geste réveilla notre petite Alice et elle se retrouva couchée sur le banc du jardin de ses parents, la tête posée sur les genoux de sa sœur qui, gentiment, enlevait de la chevelure de la dormeuse quelques feuilles mortes égarées. « Allons, réveille-toi, petite chérie, » dit la grande sœur. « J'espère que tu en as fait un somme. »« Oh, quel drôle de rêve !» murmura Alice en se frottant les yeux. Et elle raconta à sa sœur toutes les étranges aventures que vous venez de lire, chère lectrice, cher lecteur. Quand elle eut achevé son récit, sa sœur l'embrassa et lui dit « C'est là en effet un rêve bien curieux, chérie. Mais voici qu'il se fait tard. Cours vite à la maison prendre ton goûter. » Et Alice, bien obéissante, se frotta encore bien fort les yeux et courut chercher son goûter. La grande sœur demeura seule sur le banc du jardin et, à son tour, contemplant l'admirable coucher de soleil qui mettait des traînées de feu à l'horizon, tout éveillée, elle se prit à rêver. Elle songea à Alice, elle la revit là, tout à l'heure, se réveillant, sortant de son rêve, fixant sur sa sœur de grands yeux clairs où errait encore l'étonnement et la crainte un peu. Et les êtres et les événements étranges du pays des merveilles défilèrent à nouveau devant son souvenir. Les longues herbes à ses pieds étaient agitées par la course du lapin blanc. Le rat épouvanté bondissait dans l'eau de la mare et soulevait des flots écumeux. Le lièvre de Mars et ses deux amis prenaient leur thé éternel et les tasses s'entrechoquaient sur la table toujours dressée. La reine criait en désignant tous ses hôtes l'un après l'autre qu'on lui coupe le cou. Le bébé éternuait sur les genoux de la duchesse, tandis que la vaisselle volait à travers la cuisine. Et puis, dans un ensemble confus, c'était le cri du griffon, le grincement du crayon sur l'ardoise de Maître Bill, le gémissement des cochons d'Inde que les huissiers étouffaient, les sanglots de l'infortunée tortue. La grande sœur ferma les yeux et se plut à imaginer que, bien vraiment, elle était au pays des merveilles. Elle savait que dès qu'elle les rouvrirait, ce serait de nouveau la réalité coutumière. L'herbe ne serait plus agitée qu'au souffle du vent, et seuls les roseaux ployés par la brise du soir feraient remuer l'eau de la mare voisine. Les tasses à thé du lièvre de Mars ne résonneraient plus en se heurtant, et la clochette des troupeaux tinterait dans la plaine. Les cris de la reine de cœur deviendraient les appels lointains du berger, et tous les autres bruits étranges, les éternuements du bébé, le cri du griffon, les sanglots de la tortue, deviendraient les mille bruits imprécis de la ferme et des champs. Enfin, la grande sœur se représenta sa petite Alice dans un avenir prochain, quand elle serait une dame déjà, mais gardant, avec l'âge, son jeune cœur simple et affectueux. Alors, Alice, groupant ses enfants autour d'elle d'un geste tendre de ses bras maternels, ne manquerait pas de raconter, entre autres histoires, ses étranges aventures au pays des merveilles. Et les petits-enfants écarquilleraient leurs yeux ingénus, tout étonnés, tout amusés. Ah, quelle gentille petite mère serait Alice! Comme elle aimerait ses enfants, et comme elle aurait, sur sa propre jeunesse, de doux, de joyeux souvenirs à leur conter tout bas.